Ceci est une lecture d'Anouk pour audiocité.net sous licence art libre. Thomas Mainred, Le cheval sauvage. Texte du domaine public restitué selon l'édition de référence et originale de H. Le Sen et H. Houdin, éditeur, 1888. Texte mis à disposition par Gallica selon une édition originale de la Bibliothèque nationale de France, département littérature et art. Texte disponible sur http://gallica.bnf.fr. Lecture illustrée par des extraits de la symphonie numéro 9 en mi mineur du Nouveau Monde de Dvorak, opus 95-3, Molto Vivace, interprété par le Skidmore College Orchestra et mise à disposition sous licence public domaine sur musopen.org.